8-12, activation orale, 2, après négation. Répondez selon l'exemple. Vous entendez... 1. Vous avez du courage. Mais vous dites... Oh non, je n'ai pas de courage. Allons-y. 2. Vous avez de la chance. 3. Oh non, je n'ai pas de chance. 3. Vous avez de la fortune. Non, je n'ai pas de fortune. 4. Vous avez de la famille. Non, je n'ai pas de famille. 5. Mais vous avez de l'argent. Non, je n'ai pas d'argent. 6. Ah, vous avez du courage. Non, je n'ai pas de courage. 7. Vous avez du temps. Non, je n'ai pas de temps. 8. Vous avez des loisirs. Oh non, je n'ai pas de loisirs. 9. Vous avez des relations. Non, je n'ai pas de relations. 10. Vous avez des frères. Non, je n'ai pas de frères. 11. Vous avez des complexes. Mais non, je n'ai pas de complexes.